Récit numéro 8, le Colpi. Il était à peine 11 heures. Le vieux cimetière d'Andoum baignait, dans une blafarde brume matinale à peine dissipée, une voiture mortuaire s'avançait lentement dans la grande allée centrale. Derrière elle, un petit cortège s'était improvisé et suivait tête basse le véhicule noir aux rideaux à franges décoré de bordures mauves. Au premier rang venaient Bernard et sa jeune épouse Josie, le fils unique et la belle-fille du défunt, qui se tenaient étroitement serrés par le bras. Le visage défait, l'homme, autour de la trentaine, observait suspicieusement les contre-allées et se retournait fréquemment, semblant chercher quelqu'un ou quelque chose. D'un imperceptible mais rigoureux rappel du bras, Josie le ramenait fermement à la réalité et à plus de discernement, craignant que l'apparition redoutée ne déclenche un mouvement de colère chez son fougueux époux. Juste avant de partir de la maison, il avait téléphoné et l'avait entendu parler à voix basse, sur un ton ferme et inhabituel, à un mystérieux correspondant. Puis, il avait raccroché sèchement, comme si la conversation s'était interrompue brusquement. Il n'avait rien dit, mais son visage fermé laissait pressentir l'orage qui couvait en lui. Carré 3. La voiture venait de s'arrêter en fin d'un étroit passage, au milieu des tombeaux mouillés et partiellement recouverte de feuilles rousses qui n'avaient pas résisté au premier frimas ni au mistral glacé de ces derniers jours d'automne. Les porteurs avaient amené le lourd cercueil de chêne, richement décoré, devant un tombeau ouvert, celui de la famille Colpi. Toujours préoccupé de surveiller furtivement autour de lui, et surtout parmi ceux qui étaient venus rendre un dernier hommage à son père, Bernard n'avait même pas jeté un regard dans l'obscur trou béant où reposait sa mère, ses grands-parents paternels et où Marcel, son père, allait disparaître à jamais. Le vieux curé marmonnait son homilie à voix basse, jetant des regards à peine réprobateurs à quelques bavards impénitents venus probablement pour la forme et restés en retrait derrière les monuments voisins. Visiblement accablé par le décès de son beau-père qu'elle appréciait beaucoup, à présent, Josie jetait à son tour des regards furtifs et inquiets autour du groupe d'amis connus ou inconnus qui assistaient à la matinale et funèbre cérémonie.